H&M. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme de la crème, comme une HLM. Et dans l'extrême, comme une IRM. Moi je l'aime. H, je dessine au carandage le portrait sans tache de notre amour retrouvé. H, si tu te sauves, je t'attache. Il faut que tu le saches. Je ne te laisserai pas t'en aller. H, pas t'en aller. Certains diront C H et M. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme de la crème, comme une HLM. Et dans l'extrême, comme une IRM. Moi je l'aime. H, c'est un peu l'amour vache. Toi et moi on s'attache l'un à l'autre enlacé. H, on découpe à l'âge les histoires sans panache qui sont liées au passé. H, au passé. Certains diront c'est H&M. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme de la crème, comme une HLM. Et dans l'extrême, comme une IRM. Moi je l'aime. Certains diront CHM. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme de la crème, comme une HLM. Et dans l'extrême, comme une IRM. Moi je l'aime. H, nous on joue sans relâche. Et sans ennui on rabâche. Qu'on s'est enfin trouvé. H, tu es comme la moulage, la ratatouille, la pistache. Je t'aime à te manger. H, à te manger. Certains diront C H et M. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme de la crème, comme une HLM. Et dans l'extrême, comme une IRM. Moi je l'aime. Certains diront CHM. Moi je dirais plutôt CH que j'aime. Comme un écosystème, comme la Nicarène. Et dans l'extrême, comme un chrysanthème. Moi je l'aime.